السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل سيرنا بإذن الله تبارك وتعالى بالتعليق بما يفتح الله سبحانه وتعالى علينا على بعض ما ذكره الإمام النووي رحمه الله في كتابه النفيس رياض الصالحين، كتاب الاستغفار. نكونوا بإذن الله تبارك وتعالى la lecture et l'explication de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permettra concernant ce qu'a cité Al-Imam al-Nawawi rahimahullah dans son livre Riyad al-Salihin, chapitre de la demande de pardon. Donc après avoir commencé dans le premier cours avec une introduction concernant le sens de l'istighfar, puis la différence qu'il peut avoir entre l'istighfar et al-Tawbah, puis certains mérites de l'istighfar, nous commençons à lire les propos de l'auteur rahimahullah qui nous dit Kitab al-Istighfar, le livre de la demande de pardon. Bab al-Istighfar wa fadlu, chapitre la demande de pardon et ses mérites. Donc l'auteur rahimahullah va citer plusieurs versets et ahadith concernant la demande de pardon al-Istighfar, le mérite de al-Istighfar et certains ahadith qui seront comme pour Sayyid al-Istighfar, une manière de savoir quelles sont les manières de faire l'istighfar. Nous allons commencer par lire les versets que l'auteur a cités, rahimahullah, puis lire des propos du cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, concernant ce passage, puis revenir sur les versets un après l'autre et faire le commentaire de certains de ces versets. Donc l'auteur nous dit, rahimahullah, chapitre, la demande de pardon et ses mérites. Allah le Très-Haut a dit et implore pardon pour ton péché ainsi que pour les croyants et les croyantes. Sourate Mohammed, verset numéro 19. Et Allah le Très-Haut a dit et implore le pardon à Allah, car certes Allah est pardonneur et très miséricordieux. Sourate An-Nisa, verset numéro 106. Et Allah le Très-Haut a dit, alors par la louange célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Surat An-Nasr, verset numéro 3. Et Allah le Très-Haut a dit, pour les pieux, il y aura auprès de leur Seigneur des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement, jusqu'à sa parole, Azza wa Jal, et ceux qui implorent pardon juste avant l'aube. Et il a dit, subhanahu wa ta'ala, quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore d'Allah le pardon, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Surat An-Nisa, verset numéro 110. Et Allah le Très-Haut a dit, et Allah n'est pas de tel à les châtier alors que tu es parmi eux, et Allah n'est pas de tel à les châtier alors qu'ils implorent le pardon. Surat Al-Anfal, verset numéro 33. Et Allah le Très-Haut a dit, ceux qui, s'ils si ont commis une turpitude ou ont été injustes envers leurs âmes, se rappellent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est ce qui pardonne les péchés, sinon Allah? et ils ne persistent pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait alors qu'ils savent. Sourate Al Imran, verset numéro 135. Puis il nous dit, rahimahullah, et les versets qui traitent de ce sujet sont nombreux et connus. Et donc le noble savant, le cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymeen, rahimahullah, nous dit en commentaire de ce passage cité par l'auteur. Il nous dit, rahimahullah, l'auteur, donc qui est l'imam al-Nawawi, rahimahullah, a clôturé son livre, Riyad al-Salihin, par le chapitre de la demande de pardon et du repentir. Car Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné cela à son prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin de sa vie, en lui disant, donc comme dans Surat al-Nasr, le secours, d'après l'essence du verset, lorsque vient le secours d'Allah, ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion, alors par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Et nous dit, rahimahullah, donc l'auteur a clôturé son livre par la demande de pardon. Donc ici, une parenthèse avant de continuer. Donc, l'imam al-Nawawi rahimahullah a clôturé son livre par la demande de pardon, car comme l'a cité le cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala a aussi demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin de sa vie, après avoir clôturé son message et sa mission, de demander pardon. Et dans énormément d'actes de l'islam, il est légiféré pour le croyant de finir par la demande de pardon, comme c'est le cas pour la salah. Donc le croyant, une fois qu'il a fini la prière, commence par dire « Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah ». C'est pareil pour le hajj, où Allah subhanahu wa ta'ala demande, ordonne de demander pardon après avoir accompli le hajj. Donc c'est pareil pour lorsqu'on a une assise de science ou autre. Donc le croyant finit cette assise par le fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela rappelle au croyant que quels que soient les actes qu'il peut accomplir, alors ils auront obligatoirement des manquements. Et du fait que l'insan naqis, fala yasduru minhu illa naqis. Du fait que l'être humain a été créé imparfait. Alors tout acte qu'il va faire contiendra obligatoirement une imperfection, qu'il s'en rende compte ou non. Et voilà l'état dans lequel se trouvent les réels serviteurs pieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car certaines personnes peuvent penser que plus la personne augmente en piété, plus elle considère ses œuvres comme étant parfaites et plus elle se sent à l'abri du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que la réalité est l'inverse. Plus la personne se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et plus Allah subhanahu wa ta'ala lui fait part de sa grâce et lui accorde une connaissance, lui accorde de la science, lui accorde des œuvres, si jamais le cheminement qu'il emprunte est correct, alors plus elle se sentira imparfaite, plus elle verra dans ses œuvres des manquements. Et plus elle accourra au fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour ses manquements. Comme Allah nous dit d'après l'essence du verset, dans sa parole subhanahu wa ta'ala, « وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ » Il nous dit subhanahu wa ta'ala d'après l'essence du verset, en parlant de serviteurs pieux qu'il aime subhanahu wa ta'ala. Ceux qui donnent, ce qu'ils donnent, donc ce qu'ils font comme œuvre, comme acte d'adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala, وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً alors que leurs cœurs sont pris d'effroi, de peur. أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ quant au fait qu'ils retourneront vers leur Seigneur. Donc ici, ceux qui sont visés par ce verset-là sont des personnes qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala et non pas des personnes qui pêchent, mais des personnes qui se concurrencent dans le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais même avec cela, leurs cœurs sont pris d'effroi et de peur, comme le cite Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi la personne constamment doit se rendre compte de cela, et cela aussi permet à la personne de s'écarter d'une maladie qui est donc al-ujb, donc la vanité, ou bien l'autosatisfaction, qui est une des causes pour que l'acte de la personne soit annulé et ne soit pas accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, l'imam al-Nawawi rahimahullah a fait de même, a clôturé son immense livre. Comme on va le voir, le cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah fait beaucoup d'éloges pour ce livre et autres parmi les livres de l'imam al-Nawawi rahimahullah, l'a clôturé par la demande de pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'auteur, le cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah, nous dit, et donc l'auteur, donc l'imam al-Nawawi, a clôturé son livre par la demande de pardon. Ce livre immense, profitable, donc Riyad al-Salihin, dont Les musulmans tirent profit dans les quatre coins de la terre, que ce soit les gens de la masse ou bien les étudiants en sciences. Et il dit donc, ce livre fait partie des livres les plus bénis dans le profit que les gens tirent de lui. Et cela fait partie de ce qui prouve la bonne intention de son auteur, rahimahullah. Puis il nous dit, quant à l'istighfar, donc la demande de pardon, alors il est la demande de pardon. Et il n'y a aucun être humain sans qu'il ne soit pécheur. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout enfant d'Adam est pécheur. Et les meilleurs pécheurs sont ceux qui se repentent beaucoup, at-tawwabun. Et l'erreur ou le péché qui provient de l'enfant d'Adam va être soit dans un manquement concernant une obligation, ou bien dans l'accomplissement d'une chose interdite. Et aucun être humain n'est préservé de cela. Donc chaque être humain va être exposé à ça, le fait de délaisser une chose qui est obligatoire, ou bien d'accomplir une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a rendue interdite. Mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le remède des péchés est la demande de pardon. Et il a été rapporté dans le hadith que Ash-Shaytan dit, j'ai anéanti les gens par les péchés et ils m'ont anéanti par la ilaha illallah et par la demande de pardon. La demande de pardon donc est une cause pour obtenir le pardon et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné dans beaucoup de versets du Coran. Et l'auteur, donc l'imam al-Nawawi rahimahullah, a cité un nombre de versets. Parmi ceux-là, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il dirige à son prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit et implore pardon pour ton péché ainsi que pour les croyants et les croyantes. Sourate Muhammad, verset numéro 19. Allah a donc ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, de savoir que personne n'est adoré en droit excepté Allah. Et il lui a ordonné d'implorer le pardon pour son péché. Et il nous dit, rahimahullah, et cela est pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui dont les péchés passés et futurs sont pardonnés, à qui il a été ordonné d'implorer le pardon pour ses péchés. Et il lui a aussi ordonné d'implorer le pardon pour les croyants et les croyantes. Donc, fin des citations des propos du Cheikh Mohammed ibn Saleh, al-Uthaymin, rahimahullah. Donc, pour revenir au premier verset que l'auteur a cité, al-Imam al-Nawawi, rahimahullah, qui est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui nous dit, d'après l'essence du verset, et implore pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Surat Mohammed, verset numéro 19. Al-Imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah, nous dit, dans son explication de ce verset, dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, implore le pardon pour ton péché. Il nous dit, c'est-à-dire, demande à Allah de te pardonner tes péchés par le fait d'accomplir les causes du pardon, comme le repentir, les invocations, le fait d'accomplir des bonnes actions qui vont effacer les mauvaises, le fait de délaisser les péchés et de pardonner les crimes. Puis, dans sa parole, subhanahu wa ta'ala, ainsi que pour les croyants et les croyantes, c'est-à-dire, implore le pardon pour eux aussi, car, à cause de leur foi, ils ont des droits sur tout musulman et musulmane. Donc ici, le fait qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, ordonne d'implorer le pardon aussi pour les croyants. Parmi l'intérêt qu'il y a dans ça, il nous dit, rahimahullah, et parmi leurs droits, donc parmi le droit des musulmans et des musulmanes, des croyants et des croyantes, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque pour eux, qu'il implore pour eux le pardon. Et puisqu'il lui est ordonné sallallahu alayhi wa sallam d'implorer pour eux le pardon, ce qui implique l'effacement de leurs péchés et qu'ils soient préservés du châtiment, alors cela implique aussi le fait qu'il soit pour eux sallallahu alayhi wa sallam un bon conseiller et qu'il aime pour eux le bien qu'il aime pour sa personne et qu'il déteste pour eux le mal qu'il déteste pour sa personne. Qu'il leur ordonne ce qui contient un bien pour eux et leur interdit ce qui contient une nuisance pour eux. Qu'il passe sur leurs manquements et leurs défauts, qu'il accourt à ce qui va les regrouper d'une manière où leurs cœurs seront réunis et d'une manière qui fera que disparaisse d'entre eux toute rancœur qui pousse à l'inimité, à la désunion, qui peut causer l'augmentation de leurs péchés et de leur désobéissance. Donc, dans ce verset et dans les propos de l'imam al-Sa'di rahimahullah, nous avons plusieurs points. Premièrement, l'importance du tawhid et du fait de construire toutes les œuvres sur celui-ci. C'est par quoi Allah subhanahu wa ta'ala a commencé. فاعلم انه لا اله الا الله. Sache que nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Donc de commencer par le tawhid et par son apprentissage. Et à ce sujet, l'imam al-Sa'di rahimahullah, dans son explication de ce verset, cite plusieurs points à travers lesquels le croyant, le serviteur, apprend que la ilaha illallah, apprend, atteint la science, atteint la certitude quant au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à mériter l'adoration. Une chose qui est obligatoire, fa'alam, donc un ordre. Fa'alam et ta'allam, apprend. Il nous cite plusieurs points parmi ceux-là. Premièrement, le fait de méditer sur les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc parmi les points qui vont permettre au serviteur de savoir, d'avoir la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à mériter l'adoration, le fait de méditer sur les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit, rahimahullah, que cela est le moyen le plus immense. Méditer sur ses noms, ses attributs, ses actes qui montrent sa perfection subhanahu wa ta'ala et son immensité. Ce qui va pousser la personne à se rabaisser devant lui subhanahu wa ta'ala et l'adorer lui seul et se rapprocher de lui subhanahu wa ta'ala par ses actes d'adoration. Parmi les points qu'il cite aussi, rahimahullah, le fait de connaître et de savoir l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création, dans la gestion de l'univers. Car à travers cela, il peut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à mériter l'adoration. Comme Allah nous dit d'après l'essence du verset, أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Est-ce que celui qui crée est égal à celui qui ne crée rien? Ne vous rappelez-vous donc pas? Donc celui qui est unique dans la Seigneurie est celui qui est le seul à mériter toute forme d'adoration. Parmi les points que l'auteur cite aussi, rahimahullah, l'imam al-Sa'di, le fait de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à accorder tous les bienfaits que le serviteur peut avoir, qu'ils soient apparents ou cachés, qu'ils soient mondains, religieux, donc qu'ils soient dans ce bas monde ou bien dans le delà. Donc tout cela pousse le serviteur à accrocher son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala seul et à l'aimer lui seul subhanahu wa ta'ala et à le prendre seul comme divinité. Parmi les points qu'il cite aussi, rahimahullah, ce que nous voyons et que nous pouvons entendre comme récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala et secours et bienfait accorde à ses serviteurs qui sont sur le tawhid. Et à l'inverse, les châtiments qu'il peut envoyer sur ses ennemis, al-mushrikin. Donc celui qui médite sur ça, cela va le pousser à savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à mériter l'adoration. Parmi les points qu'il cite aussi, rahimahullah, le fait de connaître les caractéristiques des divinités ou de ceux qui vont être adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ou ceux qui vont être adorés avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et à plusieurs moments dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion à ça et cite ce point-là. Le fait de savoir que tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est indigent, est imparfait, donc ne mérite aucunement l'adoration. Et le seul qui est parfait, sur tout point de vue, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, donc il est le seul à mériter toute forme d'adoration subhanahu wa ta'ala. Puis, nous avons aussi dans le verset l'importance de la science. C'est par quoi Allah subhanahu wa ta'ala a aussi commencé, fa'lam, donc la science du tawhid, et cela est de même pour le reste des œuvres de l'islam. Car comme il a été rapporté dans certains affaires, من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. Donc toute personne qui œuvre sans science, alors le mal qui va découler de ce qu'elle a fait va être supérieur au bien qui va découler de l'acte qu'il a fait. Puis nous avons aussi dans le verset l'ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dirigé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous concerne ici quant au fait d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses péchés. Et donc, l'imam al-Sa'di rahimahullah nous cite que parmi ceux qui entrent dans cela, le fait d'accomplir les bonnes actions qui seront une cause pour obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, car elles vont supprimer les mauvaises actions. Al-hasanat al-mahiyat. Cela comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit d'après l'essence du verset, inna al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. Certes, les bonnes actions dissipent les mauvaises. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait suivre la mauvaise action par une bonne action, celle-ci l'effacera et est avec les gens un bon comportement. Donc ici, fait suivre la mauvaise action par une bonne action. Donc parmi les moyens d'obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, en plus de l'istighfar, le fait d'accomplir les bonnes actions qui seront une cause pour effacer les péchés que la personne a pu commettre. Ici en particulier les petits péchés, car les grands péchés ont besoin de repentir. Et donc nous avons aussi dans le verset un point important qui concerne le comportement que le musulman doit avoir envers ses frères musulmans et ses frères croyants. Cela dans sa parole, subhanahu wa ta'ala, et implore aussi le pardon pour les croyants et les croyantes. Donc, qui est comme l'a cité l'imam al-Sa'di, rahimahullah, le fait de vouloir et d'aimer pour son frère, croyant, tout le bien que l'on souhaite pour nous-mêmes, et de faire les causes pour repousser de lui tout mal ou toute nuisance que l'on craint pour nous-mêmes, et de faire toutes les causes menant à cela. Car le fait de demander le pardon pour les croyants, cela implique qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de repousser d'eux tout péché ou tout mal qui peut découler des péchés qu'ils ont faits. Donc cela implique que l'on souhaite pour eux le bien et qu'on soit bon conseiller envers eux et qu'on ait peur pour eux de ceux qu'on a peur pour nous-mêmes et donc qu'on fasse toutes les causes pour repousser d'eux tout mal qui peut les atteindre. Et parmi ces causes-là, donc le fait d'implorer et de demander pour eux le pardon. Et ce point-là fait partie des nombreux mérites qui découlent de la foi. Car Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, fait en sorte et accorde aux croyants des causes pour que ses péchés soient pardonnés que lui-même n'a pas accompli. Comme le fait ici que les autres croyants demandent pour lui le pardon. Donc, fait partie des mérites de la foi que les autres croyants demandent le pardon pour le croyant alors que lui-même n'a pas fait cette cause-là. Et plus encore, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que les anges qui eux ne commettent aucun péché et adorent Allah subhanahu wa ta'ala nuit et jour, eux aussi implorent le pardon pour les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset, ceux qui portent le trône, donc les anges, et ceux qui l'entourent, célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient. Jusqu'à sa parole, subhanahu wa ta'ala, ils disent « Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin et protège-les du châtiment de l'enfer. » Sourate Ghafir, le pardonneur, verset numéro 7. Puis, parmi les versets que l'auteur a cités, rahimahullah, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit, d'après l'essence du verset, « Quiconque agit en mal ou fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore d'Allah le pardon, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. » Surat An-Nisa, verset numéro 110. Donc dans ce verset, nous avons une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui ne rompt jamais sa promesse, quant au fait que quiconque accomplit un péché, quel que soit ce péché, ici, « وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا » Et donc la règle en langue arabe dit que « النَّكِرَ فِي سِيَاقْ الشَّرْطْ يُفِيدُ الْعُمُومُ » Donc un mot qui a été cité, qui est indéfini, et qui est cité dans un contexte de condition comme ici, alors prend un sens général. Donc ici, quel que soit le péché que la personne a pu faire, ou bien est injuste envers sa personne. Donc que ce soit des péchés qu'il a fait entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit des grands péchés ou bien des petits péchés, que ce soit du shirk ou autre, puis ensuite, aussitôt, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Donc quel que soit le péché que cette personne a accompli, s'il revient repentant à Allah subhanahu wa ta'ala et implore de lui le pardon, alors il trouvera Allah subhanahu wa ta'ala pardonneur et miséricordieux. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonnera son péché. Et nous avons vu que le fait qu'Allah pardonne le péché implique qu'il n'y a aucune conséquence qui va découler de ce péché-là et que Allah subhanahu wa ta'ala le voilera. Et Allah est miséricordieux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, en plus de cela, le récompensera. Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera la guider. Et il se peut que la personne, après son repentir, soit meilleure que l'état dans lequel elle était avant son repentir, dans le cas où son repentir a été sincère et véridique envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc un point qui pousse le serviteur à ne pas désespérer de la demande de pardon, quel que soit le péché qu'il a pu accomplir, mais d'accourir à la demande de pardon et de se rappeler qu'il a un Seigneur qui est pardonneur et très miséricordieux. Hada wallahu a'lam wa bihada naktafi wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yatuba alayna wa an yarhamana. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى